avec 10 secondes de retard. Ça va, c'est connu, 100.9, rejoindre André Arthur. Oui, ça donnait de l'appétit. On écoutait Subway, là, puis je suis en train d'essayer de décider si ça serait du poulet teriyaki ou ben non, du jambon avec... D'ailleurs, hier, qu'est-ce que c'est payé à Montréal? Hier, je suis allé voir... J'étais déçu un peu. J'hésitais. Je regardais mon budget, je regardais ma capacité de marché, mon goût. Il faisait pas beau à Montréal hier. Il y avait des gros orages. Puis j'ai hésité entre le sushi du Katsura, le smoke meat de Schwartz, l'extraordinaire petite trattoria italienne de la rue Wellington à Verdun, chez Linda. Que j'adore aller là. Tu as remémoré de bons souvenirs, j'imagine. Oui. Chez Linda, sur Wellington, c'est une famille d'Italiens. Tout est italien, mais en même temps, c'est sans façon, c'est pas compliqué, c'est familial. J'adore aller manger chez Linda. Puis, finalement, le Barbie Barn sur Guy. Finalement, je suis allé au Barbie Barn, puis je pense que j'y retournerai pas. C'était correct, mais je trouve que c'est un petit peu en déchéance. Je trouve que la bâtisse a l'air plus vieille que le propriétaire et c'est pas pesé. Les belles années sont passées. J'ai l'impression que oui. J'ai été déçu. Par contre, c'est toujours le fun de marcher dans les rues d'une grande ville. Puis voilà, je suis promené. Puis quand les gens sont sortis du Centre Bell, ben il y en avait la moitié dans mon autocar de Choix FM qui était tout souriant, puis les autres qui avaient la mine un peu basse. Plusieurs même avaient l'impression, on donnait le feeling aux autres qui n'étaient pas allés au match, qui étaient allés se promener, mais finalement, c'était fait à soir. Oh, je suis allé me promener. Ah, ton chandail du Canadien. Oh, ben oui, Gano. Ben oui, écoute, à ce temps-ci de l'année, un bon chandail du Canadien, ça fait du bien. Mais là, déjà, le Canadien va redevenir une équipe ordinaire. Et j'ai vu les images mardi passé, lorsque j'étais en Floride. On a vu le comportement animal des partisans du Canadien une fois qu'ils remportent un huitième de finale. Comment c'est ridicule. Ouais. Comment ils ont agi comme des bêtes sauvages. Là, ça semble maintenant terminé. On va redevenir de bons partisans, bien sages et bien ridicules comme ils le sont habituellement depuis quoi, les 5 dernières années, 10 dernières années? Mais n'oubliez pas que l'amateur de sport de Montréal n'est pas amateur de sport. Il n'est pas amateur de compétition. C'est amateur d'événements. Il est amateur de victoire. Et d'événements. Oui. C'est la raison pour laquelle, si la victoire est assurée, il va s'en aller au milieu de la troisième période. Si la défaite est assurée, il va s'en aller au milieu de la troisième période. C'est de toute beauté que d'être stationné devant le Centre Bell et de voir les gens sortir avant la fin. Fait pas de quoi. Ils ont hâte d'aller se rasseoir à côté de la même fille avec des bigoudis, là. C'est bien bizarre de voir ça. C'est un comportement étonnant chez les Montréalais et qui dure depuis toujours. Ça s'est poursuivi hier. Le gars qu'on paye des millions de dollars, malheureusement, pas livré la marchandise. Le Canadien qui méritait, qui était... Le Canadien avait un avantage, André, c'est-à-dire que probablement que la Ligue nationale ne voulait pas voir toutes ces séries se terminer 4-0. A envoyé un message aux arbitres que les équipes qui étaient en arrière dans la série devaient remporter une ou deux victoires. Mais c'est l'intérêt des arbitres aussi. Ils sont payés à la game, eux autres. En plus. Ils ne sont pas payés à l'année, là. Yes, donc on voulait que les séries s'étirent un peu. On a donné la permission aux Canadiens d'utiliser tous les trucs nécessaires pour contrer la vitesse du Lightning. C'est parti de l'accrochage, à coup de hockey d'en face, à coup de hockey ses genoux, à coup de poing, à coup de hockey également des croche-checs quand tu vas chercher ton gars dans la bande. Tout était permis hier pour permettre aux Canadiens de ralentir le Lightning. Malgré ça, malgré que le Canadien, à cause de ça, aurait mérité la victoire parce qu'il avait effectivement réussi à les ralentir. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'il n'arrêtait plus rondelles. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message en me disant qu'il y aurait deux journalistes qui se seraient coltaillés hier au forum après la victoire parce qu'il y en a un des deux qui aurait critiqué Théodore. Ce serait deux journalistes anglophones de ce qu'on sait. Il y a même le réseau TQS à Caféine ce matin. On aurait diffusé des images et on essaie de mettre la main là-dessus. Okay. Oh, ouais. Ouais, des journalistes qui n'ont pas encore été identifiés par personne en passant. Ben non, regarde, un journaliste, ça se protège. Je crois que je savais pas c'était qui. Ben oui, ils étaient tous dans le vestiaire au même moment. Mais ce matin, quand tu regardes ça, j'ai feuilleté tous les cahiers de sport possibles pour voir qui parle du responsable. D'abord, d'avoir étiré une série que le Canadien méritait en 5 ou en 6 contre Boston. En 7 matchs, donc il aurait pu être perdu de sa faute. Je me suis dit, allez voir si on commence à jaser du cas de Théo, parce que là, c'est devenu quasiment... c'est un cas, là, c'est une histoire nationale, ça, là, de voir un gars s'effondrer autant. Ben, regarde Stéphane qui m'écrit, c'est un banquier, c'est un garçon sérieux, là, mais il aime son hockey. Il dit, quand un joueur est en échappé contre un gardien de but, dans 90% des cas, c'est le gardien qui a l'avantage. Moi, je disais 7 sur 10, mais je pense effectivement que c'est plus que dans ça. Dans le cas de Théodore, il est 0 en 2. Il va falloir qu'il arrête les 18 prochains breakaways pour conserver la moyenne des autres gardiens de but. Le seul journaliste ce matin qui ose faire un petit billet dans le journal concernant Théo, c'est François Gagnon, qui en page S2 du Soleil de ce matin nous dit « Victime d'un but bête au terme d'une soirée difficile, José Théodore a fait faux bond aux journalistes après la rencontre d'hier. Pour une rare fois cette saison, même après des performances ordinaires, Théo était douché, changé et avait quitté le vestiaire du tricolore lorsque les portes sont ouverte devant les journalistes. Il faut dire que le gardien du Canadien avait connu une autre sortie difficile en série. Même si Corey Stellman profitait d'une échappée pour enfiler le premier but du Lightning, il s'agissait de la première véritable occasion de marquer de Tampa Bay dans le match. En dépit des 28 tirs dirigés vers lui, Théodore a semblé avoir de la difficulté avec plusieurs d'entre eux. Le gardien du Canadien a d'ailleurs bien mal paru sur le premier but de Brad Richards, qui a lui-même fait dévier derrière lui en effectuant un faux mouvement avec son bouclier. Sur les deux buts, sur les buts égalisateurs de Le Cavalier et victorieux de Richards, le gardien du Canadien n'a pas semblé à son meilleur également. Ce qui ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est qu'à son vis-à-vis Nikolaï Abiboulin a encore une fois eu le dessus sur lui hier. Il y a un journaliste parmi tout le groupe. C'en est ridicule de voir combien ils sont nombreux dans la chambre du Canadien. Parce que tu le sais que ça devient de plus en plus un mini-scandale des commandites, cette histoire-là. De plus en plus, Ronald King et maintenant Michel Blanchard de la presse commencent à en jaser de l'échange qu'il y a entre Théo et les journalistes québécois. Tu me donnes une étoile, tu me fais une bonne couverture et je vais te le rendre au centuple. Je vais te donner une bonne petite carte sonore à un moment donné. Oui, je vais venir jouer au golf avec moi au Mirage, ou tu vas venir jouer à Pinehurst avec moi, parce que je suis pas à Pinehurst, mais un autre club select où Théo, il les gâte, les journalistes qui sont avec lui, et il les gâte très bien. Et c'est pour ça ce silence. Il n'y en a pas gros qui osent. C'est quasiment la fiole. Ben, si t'aimes pas mon fromage, je vais casser tes jambes. Je vais faire sauter ta pizzeria. Oui. Il m'intrigue, ce petit gars-là, parce que moi, je continue à dire que dès le scandale du casino, puis des prêts usuraires, puis des paris sportifs, ce garçon aurait dû être suspendu par la Ligue nationale pour la durée de l'enquête. On me reporte qu'il y aurait eu quelque chose hier sur la 20. On a quelqu'un sur live à Choix Radio-X qui a vu l'autobus de Choix Radio-X sur le côté. Ah ouais, mets tes cartes sur table, après ça, je vais te dire à quel point qu'à la main gagnante. On me dit que tu as été suivi, même embêté par une voiture qui semblait vouloir te dépasser, venait te couper, se tassait, te coupait, et à un moment donné, tu aurais montré une badge de la SQ. Et tu aurais fait une plainte par téléphone cellulaire. C'est pas mal l'histoire. En décollant de Québec, j'ai été confronté avec la hantise des opérateurs de véhicules lourds. Quelqu'un qui reste autour de ton véhicule, qui s'en éloigne pas ni par en avant ni par en arrière, qui maintient pas une vitesse stable. Moi, je m'en allais à une vitesse stable que je définirais comme étant quelque part de raisonnable entre la limite de vitesse et la vitesse tolérée, OK? Quelque part entre les deux. Et je roule sur la limite de vitesse de mon véhicule, c'est-à-dire mon cruise control, c'est le prélarbre. Je roule. Je ne vais pas extrêmement vite, je suis dans le flot de la circulation, je dépasse la moitié des véhicules, puis je me fais dépasser par l'autre moitié. OK? C'est à peu près ça. Or, j'ai un Honda Accord beige, immatriculé MGR, avec trois chiffres en avant, qui, il y a un monsieur et une dame un peu âgée avec lui, puis lui, il me dépasse, il rentre devant moi, il ralentit. Je ralentis, je lui donne un appel de phare, je m'approche, il bouge pas. Je m'en vais à gauche, je commence à le dépasser, on arrive derrière une vanne, il accélère, il passe 30 pieds en avant de moi, il oblique à gauche, il vient se placer en avant de moi, m'oblige à modérer parce que ce dont il semble pas conscient, c'est qu'à moins de 100 pieds en avant d'un véhicule lourd, si votre moteur étouffe, je vous tue. Ben oui, tu peux pas breaker, toi, t'es trop lourd. Je vais passer par-dessus. Je pourrais pas m'arrêter. Les 100 pieds entre mon bumper et ton bumper, c'est ma marge de sécurité. À 100 quelques kilomètres heure, c'est ma marge de sécurité avec un véhicule lourd, à plus forte raison qu'un camion remorque. Mais en notre cas, c'est un peu pareil. Alors, ça commence dans le bout de Saint-Nicolas. Et on est rendu dans le bout de Drummondville, puis le gars, il continue à jouer avec cette vitesse, et mon impression, c'est qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il ne fait pas par exprès pour m'écœurer, il ne me donne pas de coup de break, mais quand il se tourne vers la personne à sa droite, il ralentit, quand il regarde en avant, il accélère, puis le résultat, c'est que ça fait à peu près 3 tours de moi qu'il fait. Il me dépasse, je le dépasse, il me dépasse, je le dépasse. Il ne sait pas conduire. D'après moi, il est un mauvais conducteur. Alors, quand j'arrive à côté de lui, une autre fois, par la fenêtre de ma porte, je lui fais signe, ça fait 3 fois qu'on se dépasse, avec ma main comme un accélérateur qui monte et qui descend, je lui fais signe, pourrais-tu stabiliser ta vitesse? Va-t'en en avant, je vais te laisser aller, va-t'en en arrière. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se place devant moi à droite, puis devant moi, il ralentit. Quand je m'en vais à gauche, puis que je m'approche, à 30 pieds derrière lui, il accélère, puis il maintient ma même vitesse que moi, il me coince à gauche, parce que 30 pieds derrière lui, je peux pas entrer à droite. Parce que si je me mets 30 pieds derrière lui, si son moteur étouffe, je le tue. Lui puis sa madame. Ça continue. Quand je fais ça, au lieu de... Là, on parle de combien de kilomètres, à peu près? On est rendu à Drummondville. Hein? On a commencé à Saint-Nicolas. Ben, voyons donc. Alors, mais plusieurs épisodes. Des fois, il s'éloigne, il se rapproche, il est pas conscient de ce qu'il fait. Plus tard, il va dire qu'il est sur le cruise control. Je le crois pas. Il faut qu'il fasse réparer son cruise control. Et ce qui arrive, c'est que quand je le dépasse une fois dans le bout de à peu près aux alentours de la sortie du kilomètre 191, je passe à côté de lui. Je fais signe, ta vitesse, c'est pas correct, là. Vas-y de l'avant, vas-y derrière, mais donne-moi une chance. Il me fait une grimace, puis il me sort une badge par la fenêtre. Il me déplie un essuie noir sur lequel je vois une badge de la Sûreté du Québec. Et là, j'ai eu peur. La seule chose à faire quand quelqu'un te fait ça, c'est que tu prends le téléphone et je veux encore une fois rendre hommage à la Sûreté du Québec. Je roule à la grandeur de l'Amérique. Aucun service cellulaire routier n'est meilleur que Étoile 4141 de la Sûreté du Québec. C'est un service extraordinaire. La Sûreté du Québec est en avance sur tout le monde. Ils devraient se vanter. Leur service Étoile 4141 te met toujours en contact rapide avec le service de la Sûreté du Québec le plus près de toi et leur donne les informations sur l'endroit où tu es. Ça répond. Bonjour, il dit, Sûreté du Québec. J'ai dit, je suis André Arthur, mon numéro cellulaire est le suivant, je suis au volant d'un autocar, je donne l'immatriculation de l'autocar, et je dis, j'ai un problème avec un véhicule immatriculé tel numéro MGR. Puis là, je raconte ce que je viens de te raconter, je ne veux pas me répéter. Et j'ai dit, le gars vient de me sortir une badge par la fenêtre. Et là, il m'a fait peur. Ou bien c'est une vraie badge, et alors vous avez un problème. Ou bien c'est une fausse badge, puis là, j'ai un problème. Il dit, on y va tout de suite, restez en ligne avec moi. Je suis resté en ligne avec l'opérateur de la Sûreté du Québec, de la sortie 191 jusque dans le bout de la sortie 160, la 55 direction sud, oui. L'autre bord de Drummondville. Voilà, Sherbrooke. Et là, à un moment donné, il dit, j'envoie un véhicule à votre rencontre, restez avec moi, puis il me demande de décrire ce que le gars fait. J'ai dit, le gars, il est pas méchant, il est perdu sur la route, il conduit mal, puis il est dangereux, mais là, il vient de me sortir une badge de police, puis ça, je le prends pas. Ou bien, ce gars-là, c'est un automobiliste comme moi, puis j'ai le droit d'y demander de s'éloigner de mon véhicule, ou bien c'est un agent de police en devoir, puis à ce moment-là, s'il y a des instructions à me donner, je veux les avoir. C'est pour ça que j'appelle la Sûreté. Ils ont envoyé un officier, un sergent, avec un véhicule de la Sûreté du Québec, se placer à Drummondville entre les deux travées, dans un des bretelles, là. Et il dit, le policier a tout coordonné au téléphone. Il dit, mon policier est en place, il va laisser passer tout le monde, puis quand il va vous voir passer, il va embarquer en arrière de vous, puis il va vous dépasser pour aller arrêter le gars. Ça s'est passé exactement comme ça. Je suis passé à côté du véhicule immobilisé de la Sûreté du Québec qui m'a envoyé la main. Il a enchaîné à gauche, Et il a remonté la filée. Il y avait maintenant une vanne, un camion remorque entre moi et le gars perdu. Il l'a rattrapé, il l'a collé et ils m'ont demandé de rester avec eux. Je me suis il a immobilisé l'autre gars. Et ensuite, je me suis immobilisé en avant sur l'accotement. Puis j'ai attendu la suite des événements. Le policier, l'officier de la Sûreté du Québec, le sergent, est allé rencontrer le gars et me confirme que c'est bel et bien un membre de la Sûreté du Québec qui transportait sa vieille matante. Eh ben. Et qui a essayé de faire croire que c'était moi qui étais dangereux parce que moi je variais ma vitesse sans cesse. Regarde, un autocar de 20 tonnes, le pied dans le trailer sur le plat, nos ordinateurs ne tolèrent même pas un demi-kilomètre de variation. Okay? Ils sont quasiment calibrés, ces affaires-là. Et finalement, l'officier est venu me voir et il dit, regarde, si vous voulez faire une déclaration, il dit, puis je vais prendre une plainte parce qu'il dit, effectivement, il n'y avait pas d'affaire à vous sortir une badge. Je veux pas de mal à ce gars-là. Je veux juste que vous compreniez que si moi je m'ostine avec quelqu'un qui met ma sécurité puis celle de mes passagers en danger, puis qui me sort une badge, moi j'ai peur, puis je demande de l'aide. Et c'est ce que tu as fait. Le service étoile 41-41 de la Sûreté du Québec n'a pas d'égal à New York, en Arizona, en Ontario. C'est absolument ce qu'il y a de mieux au plan technologique. Tu as raison, il est très méconnu. On le voit sur les pancartes vertes, mais jamais on fait une campagne de sensibilisation ou de quoi là-dessus. L'autre jour, je m'en vais sur la route et je rencontre un drum de break dans le milieu de ma travée. Je fais une passe-passe pour l'éviter. Tu veux pas toucher un drum de brique en fonte de camion avec ta roue pour que ça remonte dans face des autres ou dans dessous. Ça arrache tout le dessous de ton véhicule. Ça fait des dommages considérables. Tu as un kilomètre plus loin dans le pilot. Hein? Non. Un char qui perd ses brakes. Non, c'est plus loin. C'est un camion. C'est manifestement un drum de remorque. OK. Je prends l'étoile 41-41. Je donne le kilométrage. Et je leur dis ce qu'il y a. Ils disent, on s'en occupe. Et à peine 3 minutes plus tard, je rencontre dans l'autre direction un véhicule de la Sûreté du Québec qui remonte. C'est extraordinaire, ce service-là. Fiez-vous-y. Étoile 41-41 sur cellulaire au Québec, c'est un bijou. Et il faut rendre hommage à la Sûreté du Québec. Puis dans le cas de ce qui m'est arrivé hier, d'avoir eu la présence d'esprit d'envoyer un officier faire l'interception du colon, puis de donner une petite leçon à un policier que quand t'es sur la route, t'es un automobiliste, si tu veux faire la police, ben va te chercher un genre de police. C'est ça. Avant de la pause, André, dans le soleil de ce matin, François Gagnon nous parle de la bagarre. Il ne nous dit pas pourquoi, là, mais il a identifié les deux personnes. C'est Rob Martier, est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Je ne connais pas. C'est JD, la station AM de Montréal là, qui diffuse les matchs du Canadien. Il a étouffé le collègue Louis-Jean. Je ne connais pas non plus. Louis-Jean, c'est le jeune qui a remplacé Renaud Lavoie. Renaud Lavoie, lui, qui était RDS maintenant, s'occupait de suivre les sénateurs d'Ottawa. C'est ça. Okay. Quand Renaud Lavoie s'est envenu à Montréal, c'est Louis-Jean qui l'avait remplacé pour RDS à Ottawa. OK. Et là, il était là parce que Ottawa est éliminé? Non, maintenant, il suit plus le Canadien. Oui, c'est okay. Sans doute parce que Ottawa est éliminé. En tout cas, il s'est fait serrer la cravate autour du cou. L'intervention est arrêtée par les proposés d'équipement du Canadien de quelques collègues des médias. Mais on ne dit pas la raison. Là. Il paraîtrait que... Sur un courriel, quand Louis-Jean, qu'un des deux aura critiqué le travail de Théo. Louis-Jean travaille à Sportsnet en anglais, me dit-on, là. Ah, maintenant, OK. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est possible. C'est pour ça qu'on a identifié les deux gars comme étant deux journalistes anglophones. Ah, ouais. Eh bien, on n'a pas encore le fond de l'histoire. C'est drôle, hein, comment est-ce que les journalistes qui sont là pour nous apprendre la nouvelle ne nous disent pas la nouvelle. Ouais. Ça me fait bien rire. C'est quoi de la cacher, boys? Lucas, t'envoies un jeune reporter à l'hôtel de ville, puis il revient en disant, j'ai pas de reportage, comment ça? Ben, la séance du conseil de ville n'a pas eu lieu, l'hôtel de ville a brûlé. C'est ça, t'as pas de nouvelles? Pas de nouvelles. Une pause, on vient. Pour rejoindre l'équipe d'André Arthur, faites le 670-1009 ou sans frais le 1-800-670-1009. Rose, le 1037. Simi FM. On sait comment ça marche. Vous allez dans une salle d'entraînement, puis 2 semaines après, 2 mois plus tard, vous abandonnez. Le haut de gamme de l'entraînement personnalisé est enfin arrivé à Québec. Whitum et Boucher, le seul centre de la province où la science et la technologie sont mises à votre service et où le maintien constant de votre motivation est une priorité. Nous ne visons qu'une chose, c'est que vous atteigniez vos objectifs. On est comme la fine cuisine, puis les autres, le fast-food. Wittem et Boucher, Centre clinique de physiologie de l'exercice, 667-0440. Pour que la navigation de plaisance reste plaisante, vaut mieux les vrais marins de G&A Bourque Marine. Conseils judicieux et gratuits, réparation de pneumatiques, confection de toiles sur mesure, services de réparation et de mise au point complet pour à peu près n'importe quelle marque. Ce sont les nombreux services que vous offrent les vrais experts de G&A Bourque Marine. La sécurité sans sacrifier le plaisir, G&A Bourque Marine, 837-1566, 837-1566. Oh, bonne nouvelle, le centre Chrysler de Québec est maintenant ouvert et tout est démesurément gros. En fait, presque tout. Les installations, les départements de pièces et services, le choix des véhicules, la qualité, tout est gros, excepté les prix. Le centre Chrysler de Québec, un seul prix, le meilleur prix. Avant de faire l'achat ou la location d'un produit Chrysler Jeep Dodge, venez visiter le tout nouveau Centre Chrysler de Québec, situé au 2025 rue Jean-Talon Sud. Vous connaissez bien le Charbon Steakhouse, l'endroit auquel je pense quand j'ai le goût d'une belle pièce de viande. Eh bien, on peut rapporter le délice à la maison. Le Charbon Steakhouse nous invite à son comptoir de boucherie pour emporter le steak to go. Émerveillez vos invités, cette qualité de viande est inégalée à Québec. Du bœuf canadien 3A ou Sterling Silver, la meilleure viande pour votre grille au Charbon Steakhouse, Gare du Palais, 522-0133. Avant d'aller dans les sujets plus plates comme la politique, André... Oui, j'ai une autre histoire de journaliste là, sur une couverture. Encore? Ben, moi, je me souviens que j'avais envoyé... Myriam avait envoyé à CHRC Robert Morisset couvrir... Ça limite. Parce que tu sais-tu, c'était quoi nos trips, nous autres, quand on était à l'autre étage? On était jeunes et un peu insignifiants. A-t-il bougé, hein? C'était le temps qu'on prenait. On prenait une montre pour... le temps que ça prenait par ça de la porte à aller dans le voiture de reportage de CHRC, de mettre l'enregistreuse sur le côté du passager, de faire le tour, et le temps de s'embarquer, de mettre la cigarette, de l'allumer. Il n'y en a plus de nouvelles une fois qu'il est rendu là. C'est sûr qu'il n'y en a plus. Là. Un jour, Myriam lui demande une couverture au Château Frontenac, une conférence de presse, whatever, une activité quelconque. Il disparaît. Puis on n'a pas ses nouvelles, puis les heures passe et les émissions roulent et on n'a pas de nouvelles de notre couverture au Château Frontenac, puis les autres médias l'ont la nouvelle, puis nous autres on fatigue, puis on a beau le PG, il rappelle pas, ça fait qu'on se dit, il est peut-être arrivé quelque chose, on était mort d'inquiétude. Myriam était la seule à pas être morte d'inquiétude, elle a commencé à rager, ça, oui, non, c'est vrai, elle a commencé à son voyage, puis Myriam, quand elle est choquée, t'as mieux de l'avoir dans ta tente en train de pisser dehors que dehors en train de pisser dans ta tente. Alors, finalement, elle réussi à mettre la main sur son galopin de journaliste. Et Robert lui dit, ben, je l'ai à nouvelle, mais j'ai pas pu l'envoyer au poste parce que je rentre pas dans les cabines téléphoniques au château. Oh non! Ce que Jeff racontait tantôt est tellement vrai qu'une fois, Robert Morisset finit par monter dans le cadre de reportage de CHRC et il part bien tranquillement pour le voir partir. Et moi, je suis en haut avec Gilles Laberge, journaliste à CHRC, très connu dans la salle des nouvelles. Genre de gars qui disait, qu'est-ce qui s'est passé sur le plancher? Il est donc bien propre. Gilles disait, j'ai craché à terre. Et là, il voit partir mon Morisset, puis il dit à l'autre journaliste qui avait un béret, je me rappelle pas lequel, ils ont envoyé. Tabarouette, le béret. Le béret, c'est Jean Fortin. Jean Fortin, c'est ça. Il a failli être mon cousin, lui. Ouais. Ben, il dit à Jean Fortin, et tu sais comment il était de coalition, puis il était très près l'un de l'autre, puis il se parlait pas dans le dos. Gilles Laberge se tourne et dit, garde-moi ça, toi, le reportage, on va avoir. Jean, il dit, comment ça? Il dit, il est parti, puis il dit, qu'il reste à cave, il a laissé l'enregistreur sur le toit du char à côté. Mais c'est Robert avait fait un grief syndical parce qu'on avait des Hyundai poney. Des poney de Hyundai comme truck de reportage pendant un bout de temps, puis il disait physiquement incapable d'embarquer. Un texte, ça prenait entre 13h l'après-midi et 17h le soir. Un petit texte, un 15. Oh, mais c'était songé. Hein. Oui. C'est fun. Hey, t'as insulté Marc Simoneau hier, toi, pour ça. Oui, je voulais pas insulter Marc, mais Marc, il est habitué, là. Il sait bien que des fois, là, la langue me fourche, là. T'échappe. Je parlais de Yves Séguin, puis je disais que c'est le Marc Simoneau de fiscalité, là. Hey, j'ai une réflexion pour les antifumeurs. Donc, quand je pense antifumeurs, je sais que t'es plus. Ben, pas antifumeurs, mais on est anti-boucan, bon, on va pas. Qui ouais, je voulais aussi que les gars sachent hier, les gars qui voyageaient avec Choix FM, que le chauffeur, il vous disait que vous êtes allé fumer dans la toilette. Ah ouais? Ouais. Oui, avec l'air, il dit. Non, j'avais pas la ride à leur remettre la prochaine fois. Ah, oh, c'est pas beau, ça. Hey, regarde, t'es pas capable de t'en tenir pendant deux heures. C'est un gros problème. Mm. Hey, elle est, tu sais, j'en ai parlé, les endroits les, où on voyage, il n'y a plus de cigarettes de tolérer. Maintenant, la Californie, qui est souvent en avant de ce genre de choses-là, sont eux, souvent, qui vont nous montrer bien des choses sur la consommation d'énergie, également sur le type de produits chimiques qu'on utilise dans l'essence. Ils sont très avant-gardistes sur ce genre de choses-là. Et ils ont été sur la cigarette d'un resto et d'un bar. Ils ont mis ça un step plus loin maintenant. J'ai trouvé ça génial. Ouh, de le partager. Quoi? La plage. Hein? Fini la cigarette à la plage à L.A. Le gros cendrier, là, tu prenais tes snipes dans le sable de la plage, puis ensuite l'autre allait s'asseoir dessus. Là. C'est ça. Tu voyais la fille, elle se roulait dans le sable, il y avait des snipes de collis sur son huile solaire. En plein ça. Contravention maintenant, c'est terminé. Ah, c'est hey, on est rendu loin? Ah, c'est bon ça. On est pas rendu loin, nous autres. Là, que ça fait plaisir à entendre. C'est le fun. Les écœurs. Ouais. Hey, parle-nous donc de Marc Bellemare un peu, ta réaction. Est-ce que tu as eu la même réaction que moi hier en disant, OK, ça a été un gars so-so dans sa job, mais au moins, il est honnête, il quitte alors qu'on pourrait nommer des dizaines, c'est pas des centaines de députés qui ont tout vu ça, que tu changes rien en politique, que c'est lourd à faire tourner le paquebot, puis ils vont rester là 8 ans pour avoir la pension qui va avec. Le problème en politique, c'est qu'on sait jamais la vérité. Si la vérité a quelque importance, ben, elle est réservée à des à peu de gens. Il faut faire des déductions, nous autres, le monde. Une chose est sûre, c'est pas de nos fautes. Regarde, là, ce gars-là, il y a 3 jours, dans un geste qu'il voulait empreindre d'un grand leadership, nous annonçait qu'il allait en appel, que le juge Martin n'avait pas été correct, que c'était important de faire ça. Puis on le voyait même que étirer les limites réservé habituellement au procureur général qui doit être une espèce de momie ridicule. Lui, il a humanisé ça, puis bang, il partait là-dedans. Puis, quelques heures plus tard, il démissionne par dégoût total de la politique. Excusez-moi, là, mais j'aimerais pas qu'on me prenne pour un imbécile trop souvent. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas quelle est la goutte d'eau par rapport au vase. On parle d'une eau forte là-dessus. Ça a été tellement mal fait qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on était en train de faire. J'y comprends rien. On avait prédit, j'espère qu'on renouvelle notre licence de prophète, toi et moi, que ce gars-là, il avait une job à faire et il s'en irait tout de suite après. C'était quoi la job? J'ai pas compris encore. J'ai pas encore compris à quoi il a servi ce gars-là. Et ce que j'ai pas encore compris, c'est pourquoi les vraies questions dans le cas de Bellemare ont jamais été posées. Voici un homme, il y a 2 ans et demi, Lise puis moi on travaille, puis on est toujours dans des petits bureaux, puis Lise est au téléphone, puis elle parle à Marc Bellemare, qui est en train de préparer une entrevue, il veut parler. Il y avait des rumeurs, un parti le voulait, l'autre le voulait, on se marrache, on se fait désirer, ouais, on fait la coquette, on fait le trottoir. Aussi, là. Oui, c'est ça, lui faisait le trottoir beaucoup. Là. Et à un moment donné, j'entends Lise qui lui parle, je dis, il va nous arriver d'en face, lui. Et elle lui demande, elle dit, puis là, M. Bellemare, là, vous vous en allez en politique, là? Parce qu'en d'autres mots, ce qu'elle lui disait, c'est, ça fait des années qu'on te donne de l'exposure à la radio. Parce qu'on respecte ce que tu fais, vas-tu nous putasser ça en pleine face pour te servir de ça pour aller en politique, te faire élire pour un parti? Parce que tout le monde savait que c'était un péquiste, Bellemare. C'est pour ça que le maire Lallier, d'ailleurs, trouve que c'est un grand temps le matin. C'est ça, t'es un péquiste. Et elle m'a dit qu'il lui a répondu spontanément, vigoureusement, emphatiquement, oserais-je ajouter, dans une faute de français, il lui a dit « jamais ». J'aime trop mes clients. Mes clients sont trop importants pour que je les abandonne en allant en politique. Dans les mois qui suivent, il est en politique. Et dans les mois qui suivent, je sais qu'on a affaire à une pute. Okay? parce que ça prend une pute de faire ça. Il faut être empoisonné par quelque chose pour faire ça. Un tricheur. Mais la vraie question, là, t'es passé à côté. Qu'est-ce que Jean Tétrault va faire? Ça, j'ai posé déjà. Tu l'as posé, d'accord. Ah oui, c'est fait. Parce que la vraie question, elle est là. L'homme qui allait succéder à Gilles Proulx, l'homme qui allait succéder à tout le monde, Jean Tétrault, va-t-il succéder à M. Petit Bedeau? Oh! Parce que là, c'est un maudit bon gars de radio, ce gars-là. Là. C'est un des meilleurs parmi nous. Oui. Ben écoute, il est arrivé avec... C'est une des plus grosses campagnes publicitaires jamais menées à Québec pour l'arrivée d'un nouvel animateur. Ça. Un Zeppelin, un DC-3 qui volait au-dessus de la ville. Ah, ouais, 4 heures par show, un show de TV, des autobus, des abribus. Oui, un jour, dans une rencontre avec Rénal Brière, ils n'ont pas de relève. Tu dis, non, le Tétrault, H.L. Chalen devrait aller... C'est moi qui fais ça, là. Oui. Moi, Arthur. Pour l'amener à s'écasser. Parce qu'il avait commencé à l'utiliser, puis j'avais dit, hey, il est beau, ce gars, il a une bonne voix. J'avais oublié, il n'y avait pas de jugement. Oui, c'est ça qui manquait. Puis en plus, il est détestable. Oui. Ça, c'est le pire. Un gars n'a pas besoin d'être déplaisant. Même Gilles Proulx en personne n'est pas déplaisant. Parce que, effectivement, tu peux donner un rendement so-so, mais si tu es apprécié de tes collègues, et entre autres, l'endroit où il était. Moi, je sais qu'à CHRC, il y a quelqu'un que je connais, puis que tu connais très bien, que si ce gars-là déteste quelqu'un, il faut vraiment qu'il soit détestable. Ah ouais. Un gars qui en a vu, qui en a pris des défis, qui arrange tout avec des bottes de fil, qui va aller dépanner n'importe quelle station quand la station est dans le trouble. Un maudit bon gars. Un gars que, moi, j'aime bien. Puis quand ce gars-là aime pas quelqu'un, ça veut dire que la personne est vraiment pas faite. Il y a une vraie raison. Yes. Et à TQS, j'en connaissais également une couple qui sont des gens qui habituellement ont pas d'idées sur personne. Mais il a réussi à ces deux endroits-là à se faire détester. Puis ça, c'est rare, ça. C'est de faire l'unanimité comme ça, c'est très, très rare. Je sais pas comment ça allait en politique. Bon, on me disait que, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre hier, c'était pas quelqu'un qui était vraiment à sa place. En tout cas, c'est bien bizarre ce que Bellemare a fait, et ce qui est encore plus bizarre, c'est si Bellemare s'en va parce que la politique le déçoit, qu'est-ce que ça va nous permettre de déduire sur Jean Charest, son véritable leadership, et le fait que Jean Charest est probablement une marionnette dont les ficelles sont tirées par les amis de Daniel Johnson? Ça, c'est la perception que beaucoup de gens dans l'environnement du Parti libéral ont. Et Radio-Canada faisait cette aujourd'hui une nouvelle. La télévision dit qu'il y a de plus en plus de libéraux qui s'interrogent sur la capacité de Jean Charest à être un chef de parti. Il n'y a pas aussi des rumeurs qui courent comme de quoi que c'est pas juste les amis de M. Johnson, quand même. M. Johnson lui-même, ça peut être un conseiller plus proche qu'on pense pour Jean Charest. La perception, c'est que Daniel Johnson est le véritable premier ministre du Québec présentement, comme Jean Pelletier était le véritable premier ministre du Canada sous Jean Chrétien. C'est quelque chose qui est soutenu et ça explique la disgrâce de Pierre Paradis, qui lui faisait mal paraître Daniel Johnson dans les courses au leadership des libéraux. Il le battait toujours. Parce qu'en fin de compte, probablement que Jean Charest n'a rien contre Pierre Paradis. Ça vient de plus loin que Jean Charest. C'est ça. Au milieu encore, Paradis et Charest, originaires de la même région, sont des amis. Yes. Et malgré cette amitié, Charest l'a trahi, renié et publiquement humilié pour satisfaire, semble-t-il, les rancœurs de M. Johnson. Raconte-t-on. Loin de moi l'intention de me mettre Daniel Johnson en rogne, n'est-ce pas? On a un contentieux, lui et moi, qu'on devra régler avant. Oui, mais on peut jaser de ce genre de choses qui sont quand même Évitables, si flèche de tout bois. Mais comment est-ce qu'on peut analyser ça quand on essaie de me faire à croire qu'on va rebâtir l'État avec une réingénierie qui va nous donner un Québec moderne alors qu'on n'est pas capable d'introduire quelque chose de plus raisonnable que le no-fault dans un système de loi et que ça se fait pas? ça tient pas de bout, là. J'ai un gouvernement qui est en train de me dire qu'il va se rebâtir complètement, qu'il va se renouveler avec de nouvelles politiques, une nouvelle manière de gérer. Mais, ouais, mais ça, pour le no-fault, c'est pas mal plus compliqué qu'on pense. Mais le no-fault, n'oubliez pas que c'est pas ça qui était en jeu. Ce que Bellemare avait comme idée au départ, et qui a été déformé par les péquistes et leurs amis, c'était lorsqu'un conducteur commet un crime, il ne devrait plus avoir l'immunité. On devrait avoir le droit de le poursuivre personnellement. Lorsqu'il conduit sous, lorsqu'il commet un crime au volant, tandis que les péquistes, eux autres, nous ramenaient dans l'histoire que peu importe qui frappe, c'était pas juste de frapper quelqu'un qui peut te faire poursuivre. Oui. Comme aux États-Unis ou ailleurs. C'est pas ça, le but de Bellemare. Sauf que Bellemare a tellement mal défendu son projet. D'abord parce que c'était pas son projet, parce que c'était pas son domaine, et il n'y avait pas d'autorité sur la SAAC. Il était ministre de la Justice. Il s'est pas rendu compte. C'est le ministre des Transports. C'était le ministre des Transports, puis que dans d'autres dossiers, c'était Chagnon. Le problème de Bellemare, c'est qu'il s'est pas rendu compte que Charest l'a manipulé pour l'amener en politique et le faire élire dans Vanier, pour ensuite le mettre sur une voie d'évitement, c'est-à-dire un ministère où il n'y a rien à faire. La justice et le revenu sont deux ministères où il n'y a rien à foutre. C'est des ministères de garde champêtre, où les fonctionnaires font tout et où le ministre endosse. Bellemare n'a pas vu ça, il ne connaît pas ça. Puis, peut-être que c'est... Si je lis Jacques Sanson un matin dans le journal, où, oui, c'est qui dit que la grande faiblesse de Bellemare, c'est de s'être très mal entouré dans son cabinet. Il n'y avait personne qui était aguerri aux luttes bureaucratiques et politiques près de lui. Quand tu dis que son principal conseiller était Jean de Tétrault, que nous autres, dans le domaine de la radio, on considère comme un deux de pique. Est-ce que c'est vrai que hier, quand Bellemare annonce sa démission, il y a un journaliste, peut-être Alain Saint-Ours, qui dit « La sentence de Gilet, le verdict de Gilet en appel, c'est pas du harcèlement, ça? » Apparemment, il y a un journaliste qui a posé cette question-là hier. Oh, si porter en appel l'acquittement de Gilet dans les deux causes où le juge Martin est tombé cul par-dessus tête pour aider à la défense, là, est-ce que c'était pas du harcèlement? Regarde donc, toi. That's cute, hein? Yes. Oh, quand ils décident de s'attaquer en gang pour protéger les amis, ils nous sortent des beaux discours qui nous font sauter de notre chaise. Est-ce qu'il y aurait un lien entre la démission de Bellemare, qui avait l'air en forme une journée avant, et le fait que Gilet, on a porté la cause en appel? Est-ce qu'il y a eu des réactions dans le beau monde de Québec et de la colline parlementaire? Je ne sais pas. Puis le vrai problème de Bellemare, qui n'a jamais été évoqué par aucun journaliste, c'est que sa femme plaidait des causes devant le tribunal où il nommait les juges. Ouais. Et ça, là, même au Zimbabwe, c'est mal vu. Ah oui. Imagine. Imagine. Et Jean Charest qui nous fait semblant qu'il est très déçu de voir son homme quitter la politique. Ouais, oui, ben oui. Mmh. Yes. Vive la politique. Et tu veux t'en aller là-dedans, toi? Moi, je veux y aller indépendant. moi, et d'ailleurs, j'ai fait ma première promesse ce matin. Oh! Je m'engage, et c'est la première fois, mesdames, messieurs, que vous allez entendre quelqu'un faire une promesse en tant que candidat. Pas une promesse, si je suis élu, je vais faire telle chose. Si je suis candidat, je vais faire telle chose. Je m'engage comme candidat, si je le deviens dans Louis Hébert contre la bonne femme Scherrer au fédéral, je m'engage aujourd'hui à publier durant la campagne mon rapport d'impôt et à inviter les autres candidats à faire de même. Et je m'engage. Ben, si tu sais, moi, c'est une de mes demandes que je parlais de mon super site Internet où on aurait affaire à tous ces chiffres-là pour voir si un politicien peut s'enrichir en politique. Voilà. Et je m'engage, si jamais j'étais élu, puis je vais me battre pour l'être si on me laisse aller, je m'engage à publier mon rapport d'impôt à tous les ans. André, passe une bonne journée. On sort genre demain matin. Salut. Il est 9h08 à Chouac.